إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد اصطفى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقد اصطفى الله عز وجل أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واختارهم لصحبة أفضل رسله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من قبلهم ومن بعدهم، فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم في الكتب المنزلة السابقة، فقال في التوراة: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة. ومدحهم الله عز وجل في الإنجيل، فقال عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ووصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم أو في القرآن العظيم، قال: تراهم ركعا سجدا. سشيك الله عز وجل أشوزي لكمبانيون دون قوفات محمد عليه الصلاة والسلام. Il les a choisis pour accompagner la meilleure des créatures, qui est justement notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ses compagnons ont atteint des caractéristiques et des bienfaits avec lesquels ils ont surpassé ceux qui étaient avant eux et ceux qui sont venus après eux. Allah subhanahu wa ta'ala fait leurs éloges dans les livres révélés, dans les livres célestes révélés avant le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux dans la Torah, leur visage, en parlant des compagnons radiyallahu anhum, il dit d'eux: leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et il fait également leurs éloges dans l'évangile, qu'Allah azza wa jal nous dit, et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile, yani des compagnons radiyallahu anhum, est celle d'une semence qui sort, ça pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige. Et Allah Azza wa Jal fait également l'éloge des compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam dans le Coran. Et il dit: tu les vois inclinés, prosternés. Wa kana as-salaf yu'allimuna awladahum hubb as-sahabati radiyallahu anhum wa siratahum. Faqala al-Imam Malik rahimahullah: كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن، وهم الصحابة رضي الله عنهم صفوة الناس في الأمم. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: خير الناس قرني، وهم صفوة قرون هذه الأمة، فهم خيار من خيار من الله عليهم بالصحبة فلا فعلى قدرهم. فقال القاضي عياض رحمه الله: فضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجاتها بشيء، ولا يلحقهم أحد من هذه الأمة في السبق إلى الفضائل. فقال ابن كثير رحمه الله: لهم، يعني للصحابة، لهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة. Et nos pieux prédécesseurs, السلف, ils apprenaient à leurs enfants d'aimer les compagnons radiallahu anhum. Et ils leur apprenaient leur biographie. L'imam Malik, rahimahullah, disait: on nous apprenait l'amour ou le fait d'aimer Abu Bakr et Omar comme on nous apprenait une sourate du Coran. Et les compagnons radiallahu anhum sont des élus parmi cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, comme ceci est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et les compagnons ne sont pas seulement des élus parmi les gens, mais également des élus dans cette communauté, la communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: les meilleurs gens de ma communauté, parmi ma communauté, ce sont ceux de mon époque. Et ce sont des élus parmi les élus à qui Allah Azza wa Jal a donné la grâce d'accompagner notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et c'est ainsi, c'est avec cet accompagnement, le fait qu'ils aient accompagné ou qu'ils ont été les compagnons du prophète radiallahu anhum, que leur rang a été élevé à un haut degré. Wal qadi Iyad rahimahullah disait: l'honneur d'être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'un instant, tu ne pourras pas l'atteindre, ou tu ne pourras l'atteindre avec aucune œuvre. Et personne dans cette communauté ne pourra les devancer dans les bienfaits. Ibn Kathir rahimahullah, il a dit: les compagnons ont le bienfait et la suprématie et la perfection, et personne parmi cette communauté ne peut ou ne pourra les concurrencer. Allah Azza wa Jal, il a fait leurs éloges en disant que leurs œuvres étaient vouées sincèrement à Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'ils recherchaient seulement l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit fi surat al-Hashr, il nous dit aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, ceux-là sont les véridiques. ولو أنفق أحد غيرهم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وكان توحيدهم لربه ظاهرا في أعمالهم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد الله أو من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. ولما رأى عمر رضي الله عنه الحجر الأسود قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال ابن عمر رضي الله عنه، وهذا دليل توحيدهم، فقال: الإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال وفي ليلهم تلاوة وتهجد. Et si un autre que les compagnons avait défoncé l'équivalent du mont Uhud en or, il n'aurait jamais pu atteindre le degré, ou ne serait-ce que la moitié du degré d'un des compagnons radiallahu anhu, ou anhum. Et ceci parce qu'ils étaient justement les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont été véridiques dans l'application du tawhid, dans l'application de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et il les obligea à une parole de piété, yani au tawhid, dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Et Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient. Et leur tawhid était apparent sur eux et également dans leurs actions. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, eh bien Abu Bakr radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: celui qui adorait Muhammad alayhi salatu wa sallam, eh bien qu'il sache que Muhammad alayhi salatu wa sallam est mort. Et quant à celui qui adorait Allah azza wa jal, eh bien qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est vivant et ne meurt jamais. Et quand Omar radiallahu anhu a vu la pierre noire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je sais que tu n'es qu'une simple pierre et que tu ne fais aucun tort et que tu n'es d'aucun bénéfice. Et si je n'avais pas vu le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam t'embrasser, eh bien je ne t'aurais pas embrassé. Ibn Omar radiallahu anhu disait: la foi dans le cœur des compagnons est plus énorme que les montagnes, est plus grande que les montagnes. La foi dans le cœur des compagnons est plus grande que les montagnes. Et la nuit, ils se levaient pour prier et réciter le Coran. Radiallahu anhum wa ardahum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, en parlant de la tribu des Ash'ari, il disait: je reconnais les maisons des Ash'ari de par leur voix qui lisent le Coran la nuit. Comme ceci rapporté par Muslim. Les compagnons radiallahu anhum se levaient une grande partie de la nuit pour prier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: et ton Seigneur sait que tu te tiens debout moins de deux tiers de la nuit, ou sa moitié ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi, yani les compagnons radiallahu anhum. Et Allah subhanahu wa ta'ala caractérise les compagnons en disant: et tu les vois inclinés et prosternés, et tu les vois inclinés et prosternés. Et ça, c'est une des caractéristiques des compagnons radiallahu anhum. Et leur seule intention, comme Allah azza wa jal nous dit, ils veulent le bienfait d'Allah et son agrément. La seule intention des compagnons radiallahu anhum, c'était de vouloir, eh bien, le bienfait d'Allah azza wa jal et son agrément. Et tellement ils étaient des adorateurs dévoués à Allah azza wa jal, eh bien les traces de leurs adorations se voyaient sur leur visage et sur leurs membres, comme Allah azza wa jal nous dit dans le Coran. Il nous dit: leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Leur cœur était pour Allah tabaraka wa ta'ala doux et plein de crainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour les exhorta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa'adahum al-rasul sallallahu alayhi wa sallam faghaddu ru'usahum wa lahum khaninun min al-buka wa Abu Bakr radiyallahu anhu لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن وعمر رضي الله عنه صلى بالناس فسمع أنينه من وراء ثلاثة صفوف رضي الله عنه وأرضاه وعائشة رضي الله عنها تقرأ قوله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فتبتل خمار فيبتل خمارها رضي الله عنها وَأَرْضَاهَ مِنَ الدَّمْعِ. Et leur cœur, comme on a dit, pour Allah Azza wa Jal était doux et plein de crainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour les exhorta et ils recouvrirent leur visage et on entendit un bourdonnement tellement ils pleuraient radiyallahu anhum wa ardahum. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, quand il lisait le Coran, il ne pouvait pas retenir ses larmes. Et Omar radiyallahu anhu une fois pria et il en entendit ses pleurs quand il est arrivé au verset, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit fi sourate Yusuf innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Et bien il pleura tellement radiyallahu anhu que et bien on entendait ses pleurs derrière trois rangs, derrière plus de trois rangs. Et Aisha radiyallahu anha un jour a lu le verset où Allah azza wa jal dit aux femmes et enjoint aux femmes en leur disant: et demeurez dans vos demeures et ne vous exhibez pas à la manière d'avant l'islam. Elle pleura tellement d'en mouiller, à tel point d'en mouiller, eh bien, son voile. Sachez que chaque communauté et chaque peuple se vante de ces grands personnages et aime entendre leurs récits afin de prendre exemple sur eux et de les aimer encore plus également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Al-mar'u ma'a man ahab. La personne sera ressuscitée avec ceux qu'elle aime, comme ceci est rapporté par Muslim. Et chaque compagnon, il faut savoir que chaque compagnon, radiallahu anhum, eh bien, il a un bienfait sur nous. Il faut savoir que chaque bien dans lequel nous sommes aujourd'hui, que cela soit dans la science, dans l'adoration ou la réussite, eh bien, c'est grâce à la bénédiction des compagnons, radiallahu anhum, ou c'est par la cause, eh bien, des actes et des œuvres des compagnons, radiallahu anhum. Ils ont transmis la religion et ils ont combattu dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ils sont les personnes les plus parfaites en raison et en intelligence, en science et également dans l'application de la religion musulmane. Et ils font partie de l'exemple à suivre. Ibn Mas'ud radiallahu anhu qala man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayy la tu'manu alayhi alfitna أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. ابن مسعود رضي الله عنه a dit: celui qui veut suivre quelqu'un, eh bien qu'il suit ceux qui sont morts, c'est-à-dire les compagnons رضي الله عنهم. Car le vivant, eh bien, n'est pas à l'abri de la discorde et de la tentation. Et les compagnons, radiallahu anhum, étaient ceux qui avaient le cœur le plus pur et la science la plus profonde et la plus ancrée. Et ils ne se donnaient pas des charges qu'ils ne pouvaient pas supporter. Et c'est des gens qu'Allah azza wa jalla a choisi pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam et également appliquer sa religion. Faqala al-Shafi'i wa rahimahullah: هم فوقنا في كل فقه وعلم ودين وهدى وفي كل سبب ينال به علم وهدى ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. الإمام الشافعي رحمه الله disait: les compagnons radiallahu anhum, eh bien, sont au-dessus de nous, que ce soit dans la science, que ce soit dans l'application de la religion ou dans la guidée. Ils sont au-dessus de nous dans toutes les causes par lesquelles on atteint la science et la guider. Et leur avis est meilleur pour nous que notre propre avis. Leur avis, à eux, est meilleur pour nous que notre propre avis à nous. Et Allah Azza wa Jal, il fait l'éloge des compagnons, il nous informe qu'il est satisfait d'eux et qu'il les a agréés. Et qu'il a préparé des bienfaits et qu'il leur a préparé des bienfaits énormes. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et les tout premiers croyants parmi les émigrés et l'Ansar, yani les habitants de Médine, et ceux qui les ont suivis dans le bon comportement, yani dans l'application de la sunna, eh bien Allah Azza wa Jal les a agréés. Et ils l'ont agréé. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Et voilà l'énorme succès. Et chacun d'entre eux a fait un effort ou un acte qui doit être reconnu à sa juste valeur. Chacun d'entre eux a laissé une trace bénéfique à l'islam. وبالوقوف على اخبارهم تحيا القلوب وتقوى العزائم وباقتفاء اثرهم تحصل السعاده وبمعرفه مناقبهم تكون القدوه بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. فقال ابن الجوزي رحمة الله عليه: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. Et le fait de s'arrêter à leur récit et à leur biographie, eh bien, fait revivre les cœurs et augmente la foi. Le fait, eh bien, de se remémorer les récits des compagnons et des pieux prédécesseurs, eh bien, ça fait revivre les cœurs et ça augmente la foi sans aucun doute. Il y a dans leur suivi une réussite, et dans le fait de connaître leur vie, il y a une exhortation pour nous afin de les suivre et de les prendre pour exemple dans leur noble comportement, radiallahu anhum wa ardahum, et dans leurs actes purs. Ibn al-Jawzi disait: les pieux prédécesseurs nous apprenaient ou apprenaient à leurs enfants d'aimer Abu Bakr et Umar comme ils leur apprenaient une sourate du Coran. وأكمل الصحابة وأفضلهم وأسبقهم إلى الخيرات عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان معظما في قريش، محببا مألوفا خبيرا بأنساب العرب وأيامهم، يألفونه لعقله وعلمه وإحسانه. ولما جاء الإسلام بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال الصدق، فلم تقع منه هنا ولا وقفة في حال من الأحوال. أجمعت الأمة على تسميته بالصديق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني قلت يا أيها الناس، إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر رضي الله عنه: صدقت، كما رواه البخاري. Et sachez que le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui qui se précipitait le plus aux bonnes actions, eh bien, c'est Abdullah ibn Uthman ibn Amir de la tribu de Quraysh, plus connu sous le nom d'Abu Bakr radiallahu anhu wa ardah. Il avait un rang élevé auprès de sa tribu et les gens l'aimaient énormément de par sa science, de par sa raison et de par son bienfait. Et quand l'islam fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se précipita à croire à cette religion. Et il a rendu véridique le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et peu importe la situation, jamais on ne vit de lui une mauvaise chose. Toute la communauté est d'accord pour l'appeler le véridique, as-siddiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté par al-Bukhari, il a dit: j'ai dit aux gens, je suis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, envoyé pour vous tous, pour tous les gens. Et ils m'ont répondu: tu mens. Yani ils ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était un menteur. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit: tu es véridique. Il a rendu véridique, eh bien, le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فَدُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَمَا كَبَى وَلَا نَبَى فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ مِنَ الرِّجَالِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وله المواقف الرفيعة والأيادي الكريمة رجل عظيم القدر رفيع المنزلة كان حازما رحيما حليما كريما نافح عن دينه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم أول الخلفاء الراشدين وأول العشرة المبشرين بالجنة شديد الحياء كثير الورع غني بماله وجاهه وأخلاقه لم يشرب الخمر قط لسلامة فطرته وعقله ولم يعبد صنما في حياته بل كان يكثر من التبرم منها ولم تؤثر عنه كذبة بل كان صديقا صدوقا رضي الله عنه وأرضاه. Et quand, eh bien, il fut invité à l'islam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité Abu Bakr radiallahu anhu à l'islam, eh bien Abu Bakr n'a pas faibli, il n'a pas flanché, mais au contraire, il a été le premier homme à croire. Il a été le premier homme à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu est une personne d'une énorme importance. Abu Bakr radiallahu anhu est une personne d'une énorme importance dans l'islam. Et il a une place élevée dans notre religion. Et il était, comme nous le décrit notre mère Aïcha radiallahu anha, physiquement, Abu Bakr radiallahu anhu physiquement, comme nous le décrit sa fille, notre mère Aïcha radiallahu anha, elle dit: il était blanc de peau, maigre, il avait peu de poils au niveau des joues, et il avait le dos courbé, il avait les yeux enfoncé, le front proéminent et les mains décharnées. C'était un homme ferme, miséricordieux, doux et compatissant et généreux. Radiallahu anhu arda. Et il était également appelé l'Atiq. Faqad qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama rawahu ibn Hibban bi isnad sahih. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: anta atiqu hadhihi al-umma aw anta atiqu Allah min an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu es l'affranchi, l'atiq, l'affranchi d'Allah azza wa jal quant au feu. Et Abu Bakr radiallahu anhu avait plusieurs épouses. Parmi elles, Umm Ruman, qui fait partie des premières personnes à être entrées en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en parlant de Umm Ruman, il dit, celui qui veut avoir le plaisir de voir une des femmes du paradis, eh bien qu'il voie qu'il voie Umm Ruman. Et Umm Ruman était la mère d'Abd al-Rahman et de Aïcha radiallahu anha. Et il eut également comme épouse Fatla bint Abd al-Uzza, qui était sa première épouse, et avec qui il eut Abdullah et Asma. Et il a épousé également une femme qui s'appelait Asma bint Umays, avec qui il a eu un enfant qu'il prénomma Muhammad. Et il épousa également une femme qui s'appelait Habiba bint Kharija, et qui lui a engendré une fille qui s'appelait Kalthoum. Abu Bakr radiallahu anhu a défendu l'islam avec force et vigueur, et il a porté secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu est le premier des califes, le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où son importance. C'est le premier qui a succédé au prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et c'est le premier à qui on a annoncé le paradis parmi les 10 à qui on a promis le paradis de leur vivant. Et il était d'une pudeur sans pareil. Il avait une crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala inégalée. Il était noble avec son argent et sa lignée et son comportement. Abu Bakr radiallahu anhu n'a jamais bu d'alcool, même avant l'islam. Et ceci car il avait ou qu'il était sur la saine nature. Et il n'a jamais adoré une statue dans sa vie, même avant l'islam. Au contraire, il ne supportait pas que les gens leur vouent un culte en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on ne rapporte de lui aucun mensonge, mais il était plutôt véridique et agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa awwal man da'a ila Allah fa aslama ala yadayhi khamsatun min al-ashara. Uthman wa Talha wa Sa'd wa Zubayr wa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhum. وهو أول من أوذي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج من مكة مهاجرا إلى الحبشة وحثوا التراب على رأسه وعاش في ذروة سنام الصحبة وأعلى مراتبها فصحب النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته أو من حين ومن حيث بعثه الله تبارك وتعالى إلى أن مات كمل في الصحبة كمالا لم يشركه فيه غيره وكان مؤنسا للنبي صلى الله عليه وسلم هاجر وحده منفردا معه وأقام معه يوم بدر في العريش ماله مبارك يتجر ويأكل من كسبه وإنفاقه أفضل من إنفاق غيره فقال عليه الصلاة والسلام قال ما نفعني مال قط كمال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان أبعد الناس عن النعمة التي تجزى وأولاهم بالنعمة التي لا تجزى أنفق في سبيل الله ماله كله يقول عمر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر فقلت مثله أي تصدقت بشطر مالي وتركت لهم النصف الآخر وأتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وما بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله فقال عمر رضي الله عنه لا أسابقه إلى شيء أبدا كما رواه أبو داود Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Bakr radiallahu anhu est le premier à avoir invité à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala après le messager sallallahu alayhi wa sallam. 5 des 10 à qui on a promis le paradis de leur vivant se sont convertis par sa cause, par la cause d'Abu Bakr radiallahu anhu. Parmi eux, Uthman, Talha, Sa'd, Zubayr ou Abdurrahman ibn Auf. Ces 5 là à qui on a promis le paradis de leur vivant, eh bien se sont convertis par la cause d'Abu Bakr radiallahu anhu arda. Il a été le premier après le prophète sallallahu alayhi wa sallam à être persécuté dans le sentier d'Allah azza wa jal, à tel point qu'il a été obligé de sortir de la Mecque et d'émigrer en Abyssinie. On lui jeta de la terre sur la tête, mais malgré cela il patienta et resta ferme sur sa religion. Il a vécu au sommet de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut son compagnon du début de la prophétie jusqu'à ce que Allah azza wa jal rappelle son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il était le parfait compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Personne parmi les compagnons ne lui était égal. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait énormément sa compagnie. Il a émigré vers Médine seul avec Abu Bakr radiyallahu anhu arda. Il est resté seul à surveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Badr. Et son argent, l'argent d'Abu Bakr radiyallahu anhu, était béni. Il commerce ou commerçait et mangeait de ses propres gains. Et ses dépenses sont meilleures que les dépenses des autres compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, aucun bien ne m'a été plus bénéfique que l'argent d'Abu Bakr radiyallahu anhu arda. Il a dépensé toute sa fortune dans le sentier d'Allah azza wa jal. Omar radiyallahu anhu nous rapporte comme ceci et mentionné fi sunani Abi Daoud. Il nous rapporte et il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a ordonné aux compagnons eh bien, de donner des aumônes. De donner des aumônes. Et ceci, eh bien, c'est une sunna. Quand le gouverneur, eh bien, ordonne de donner des aumônes, il faut s'y précipiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna un jour, eh bien, de donner des aumônes. Et cela tombait bien, puisque, yani Omar nous dit, cela tombait bien puisque j'ai mis de l'argent de côté pour cette occasion. Et j'ai dit, si je dois devancer un jour Abu Bakr, eh bien, ce sera aujourd'hui. Donc Abu Bakr a ramené la moitié de sa fortune au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, en voyant cela, il lui a dit, ya Omar, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il lui a dit, j'ai laissé la même chose, c'est-à-dire que j'ai donné la moitié et je leur ai laissé la moitié de mes biens. Alors à ce moment-là, Abu Bakr radiallahu anhu arriva. Il arriva avec tout ce qu'il avait comme bien, avec toute sa fortune. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ya Abu Bakr, qu'as-tu laissé pour ta famille? Alors Abu Bakr radiallahu anhu, et ça prouve le bienfait énorme que ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sur les autres, il a répondu et il a dit, je leur ai laissé Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Omar radiallahu anhu, en entendant cela, il a dit, j'ai su à ce moment-là que jamais je ne le devancerai dans un bien. As-Siddiq radiallahu anhu, Sharif al-Nafs, Sami al-Ruh, lam yatlub min makhluq malan wala hajatan dunyawiyya. إذا سقط صوته من يده لا يقول لأحد ناولني إياه ويقول إن خليلي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا كما رواه أحمد. أبو بكر رضي الله عنه, le véridique de cette communauté avait une âme honorable. Jamais il ne demanda à une créature une chose de cette vie d'ici-bas. Et si sa cravache tombait, eh bien il ne demandait pas à quelqu'un de la lui ramasser. Mais il le faisait tout seul et il disait, mon ami intime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de ne rien demander aux gens. Comme ceci est rapporté par l'imam Ahmed. Arjahu l'ummati imana, al-yaqinu wal-imanu alladhi fi qalbihi la yusawihi fihi ahad. لو وزن إيمانه بإيمان هذه الأمة ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجح بهم أعلم الصحابة والأمة وأذكاهم وكان رضي الله عنه يقضي ويفتي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقره ولم تكن هذه المرتبة لغيره من الصحابة وقد عرف الصحابة رضي الله عنهم له هذا الفضل فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان أبو بكر أعلمنا Abu Bakr radiallahu anhu à la fois la plus ferme et la plus complète de cette communauté. Personne ne peut atteindre le degré de foi et de certitude que Abu Bakr radiallahu anhu avait dans son cœur. Et si on pesait la foi ou la foi de Abu Bakr radiallahu anhu et on la mettait dans une balance et on mettait la foi de toute ou du reste de cette communauté en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien la foi d'Abu Bakr radiallahu anhu aurait fait pencher la balance. C'était le plus savant des compagnons, le plus savant de cette communauté et le plus intelligent. Il jugeait et donnait des avis juridiques en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuvait cela. Personne d'autre qu'Abu Bakr ne faisait cela à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons radiallahu anhum connaissaient son rang. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu disait: Abu Bakr radiallahu anhu était le plus savant d'entre nous. وَلَمْ تَخْتَلِفِ الْأُمَّةُ فِي عَصْرِهِ فِي مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَصَّلَهَا بَيَّنَ لَهُمْ مَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَثَبَّتَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَبَيَّنَ لَهُمْ مَوْضِعَ دَفْنِهِ وَمِيرَاثَهِ وَاسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ على الصلاة التي هي عمود الإسلام واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أول حجة حجت من المدينة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلم المناسك أدق ما في العبادات وليس في مسائل العبادات أشكل منها ولولا سعة علمه لم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا لم يحفظ له قول يخالف فيه نصا ولا يعرف له مسألة من الشريعة غلط فيها ثم الأقوال التي خولف فيها الصديق بعد موته قوله فيها أرجح من قول من خالفه من بعد أو بعد موته. Et à son époque, à l'époque de Abu Bakr رضي الله عنه, il n'y a pas eu une divergence dans cette communauté sans que, eh bien, Abu Bakr رضي الله عنه n'ait trouvé la solution. Il a expliqué, il a annoncé aux compagnons radiallahu anhum la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a raffermis. Il les a raffermis dans leur foi après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a expliqué où enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait souvent de le remplacer pour guider la prière, qui était le deuxième pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de guider le premier pèlerinage qui a été effectué à partir de Médine. Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a dit: la science des rituels du pèlerinage sont les plus compliqués dans l'adoration. Il n'y a pas plus compliqué dans les adorations. Et si Abu Bakr n'avait pas de science, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y aurait pas confié cette responsabilité. Et il dit également: il n'est pas connu d'Abu Bakr une parole qui diverge des textes sacrés du Coran et de la Sunna. Et il n'est pas connu de lui qu'il se soit trompé une fois dans la religion. Et les paroles qui divergent de celles d'Abu Bakr après sa mort, eh bien les paroles d'Abu Bakr radiallahu anhu, on doit revenir à ses paroles à lui, car elles sont plus authentiques que les paroles, eh bien, de ceux qui ont divergé des siennes. حياته كلها لله تبارك وتعالى لم يفارق المدينة إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا أزهد الصحابة في الحياة ما جمعه من مال أنفقه في سبيل الله ما جمعه من مال إلا أنفقه في سبيل الله تقول ابنته عائشة رضي الله عنها لما مات يعني أبو بكر ما ترك دينارا ولا درهما toute sa vie أبو بكر رضي الله عنه إلا passé pour Allah تبارك وتعالى. Il n'est sorti de Médine que pour faire le pèlerinage ou l'umra ou le jihad. Et il était le plus humble des compagnons dans la vie de tous les jours. Et l'argent qu'il amassait, il le dépensait dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aïcha radiallahu anha, elle disait: quand mon père est mort, il n'a laissé ni dirham, ni dirham. أمين في الأمة من كتاب الوحي المنزل على خير خلق الله أشجع الناس لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع من أبي بكر رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أبو بكر رضي الله عنه أقوى قلبا من جميع الصحابة لا يقاربه في ذلك أحد منهم لم يعرف عنه قط أنه جبن عن قتال عدوه. أبو بكر رضي الله عنه était le digne de confiance de cette communauté. Il était le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il écrivait la révélation qui était descendue sur la meilleure des créatures sallallahu alayhi wa sallam. Il était d'un courage sans équivalent chez les compagnons radiyallahu anhum. Et il n'y avait pas plus téméraire que lui à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-Islam rahimahullah a dit Abu Bakr avait le cœur le plus ferme parmi les compagnons. Personne n'arrivait à sa hauteur. Et il n'était en aucun cas connu comme ayant eu peur du combat ou de combattre l'ennemi. Abu Bakr radiyallahu anhu yaqdumu fil makhawif. يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في بدر في العريش وحده مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في أحد وحنين ولم ينهزم مع من انهزم يقول عن نفسه ما دخل قلبي رعب بعد ليلة الغار فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حزني قال لا عليك يا أبا بكر فإن الله قد تكلف بالأمر بالتمام. Abu Bakr radiallahu anhu marchait en tête lors des combats. Il protégea le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa propre personne seul lors de la bataille de Badr. Il fut ferme lors de la bataille de Uhud et également lors le jour de Hunayn. Il n'a pas pris la fuite quand les musulmans ont été mis en déroute. Il dit de sa propre personne, après la nuit que j'ai passée dans la grotte avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, plus jamais une frayeur n'est rentrée dans mon cœur. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ma tristesse ce jour-là, yani dans la grotte, il lui a dit qu'as-tu ya Abu Bakr? N'aie crainte, ne sais-tu pas qu'Allah azza wa jal s'est porté garant pour parachever sa religion? وفي دهشة العقول بموت النبي صلى الله عليه وسلم بثبات قلب ورباطة جأش صدع بكلمات مؤثرة فقال رضي الله عنه من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت فقال أنس رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا أبو بكر رضي الله عنه وكنا كالثعالب فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. Et lors de l'hébétement des gens au moment de la mort du prophète صلى الله عليه وسلم, il a prononcé des paroles fermes qui sont dignes d'être gravées avec de l'or. Il dit aux gens qui étaient ébahis, étourdis par la nouvelle et cet événement qui était le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, celui qui adorait Muhammad alayhi salatu wa sallam, et bien qu'il sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Et celui qui adorait Allah tabaraka wa ta'ala, bien qu'il sache qu'Allah azza wa jal est vivant et qu'il ne meurt jamais. Anas radiallahu anhu a dit, ce jour-là, Abu Bakr nous sermonna, nous étions comme des renards affolés. Il n'a cessé de nous encourager, de nous sermonner, de nous exhorter jusqu'à ce que nous soyons devenus comme des lions sûrs de nous. فَقَادَ الْأُمَّةَ بَعْدَ رَسُولِهَا بِعَدْلٍ وَحِكْمَةٍ وَسُؤْدَدٍ وَأَقَامَ الْإِسْلَامِ وَأَدْخَلَ النَّاسَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ مَعَ كَثْرَةِ الْمُخَالِفِينَ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ وَغَيْرِهِمْ. Abu Bakr رضي الله عنه a dirigé cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec justesse et équité et avec sagesse. Il a appliqué l'islam et il a fait entrer les gens dans la religion par la même porte par laquelle ils étaient sortis, et ce malgré les nombreux détracteurs qu'il avait parmi ceux qui ont renié l'islam. Adhan, inshallah. C'est l'heure de l'adhan, inshallah. Faire l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Abu Bakr radiallahu anhu, asaddu sahabati ra'ya wa akmaluhum aqla. Fakana al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, idha stashara ashabahu, awwalu man yatakallam, Abu Bakr. Awwalu man yatakallamu fi shura, Abu Bakr radiallahu anhu arda. ويعمل النبي صلى الله عليه وسلم برأيه وحده في الأمور العظيمة فإذا خالفه غيره اتبع رأي أبي بكر رضي الله عنه دون رأي من يخالفه كما في أسرى أو أسارى بدر وصلح الحديبية وكان عمر رضي الله عنه يراجعه في عهد النبوة لكمال عقله ورجاحة رأيه وليس من الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأولاد أولاده وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سواه فقال شيخ الإسلام رحمه الله فهم أهل بيت إيمان ليس فيهم منافق يعني أهل بيت أبي بكر ليس فيهم منافق لا يعرف هذا لغير بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان يقال للإيمان بيوت وللنفاق بيوت فبيوت أبي بكر من بيت الإيمان ومن هذا البيت العامر بالإيمان خرجت عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنهما وفيه ترعرعت على يد والدها. Abu Bakr radiallahu anhu avait la vie et le conseil le plus juste parmi les compagnons. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait conseil à ses compagnons, la première personne qui parlait, eh bien c'était Abu Bakr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait la vie d'Abu Bakr dans les grandes décisions, dans les décisions importantes. Et si les autres divergeaient d'Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait quand même son avis. Comme lors de la bataille de Badr et là, lors de la conciliation de l'Hudaybiya. Omar radiallahu anhu, lors du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien demandait également conseil à Abu Bakr radiallahu anhu wa arda. Et ce qui prouve sa grande intelligence, l'intelligence d'Abu Bakr et son conseil parfait est que parmi les compagnons, il est le seul. Il est le seul dont le père, la mère, les enfants de ses enfants se sont convertis à l'islam et ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-Islam rahimahullah, il disait, la famille d'Abu Bakr sont des gens de foi et il n'y a parmi eux aucun hypocrite. Dans la famille d'Abu Bakr, il n'y a pas d'hypocrite. Et ceci est spécifique à la famille d'Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda. Et on disait, il y a des familles connues pour leur foi et des familles connues pour leur hypocrisie. Et la famille d'Abu Bakr est une famille connue pour sa foi. et de cette famille emplie de foi et de certitude, eh bien, qu'est sortie Aïcha radiallahu anha, qui a été éduquée par son père, le véridique de cette communauté. فقد كان أبو بكر رضي الله عنه صواما قواما منفقا مجاهدا إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه ولم يسمع الناس قراءته من البكاء سباق إلى البر والخيرات في اليوم الواحد أصبح صائما وتبع جنازة وعاد مريضا وأطعم مسكينا وما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة فأبو بكر رضي الله عنه jeûnait et se levait la nuit pour prier. Il dépensait dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala sans compter, et il combattait sans faiblir. Et malgré cela, quand il lisait le Coran, eh bien les gens ne pouvaient même pas entendre sa lecture tellement il pleurait رضي الله عنه وارضاه. Il était le premier à se précipiter aux bonnes actions, et en une journée il jeûna. Il a suivi une genaza, un cortège funèbre. Il a visité un malade et a donné à manger à un pauvre. Et si ces caractéristiques sont réunies chez un seul homme dans une même journée, eh bien il rentre au paradis. Abu Bakr radiallahu anhu, afsahu al-nasi wa akhtabuhum, kana yakhtubu anil nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hudurihi wa ghibatih. ويخاطب الوفود تقديمة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقدما بين يديه لم يسوء النبي صلى الله عليه وسلم قط أحبه عليه الصلاة والسلام حبا جما فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت ومن الرجال قال أبوها قلت من قلت ثم من قال عمر كما رواه البخاري. Et Abu Bakr رضي الله عنه était la personne la plus éloquente. Il prêchait en présence et pendant l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il accueillait les délégations des autres tribus et des autres peuples en attendant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jamais il n'a fait du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire. Le prophète alayhi salatu wassalam l'aimait énormément. Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aimes-tu le plus? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Aïcha. Il a dit, Amr ibn al-As lui a dit alors, et parmi les hommes, qui aimes-tu le plus? Il a dit son père, Abu Bakr. Ensuite Amr ibn al-As radiyallahu anhu lui a dit, et ensuite qui aimes-tu le plus après Abu Bakr? Il a dit Umar. كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أول النهار وآخرة ويأنس به ويقول أخي وصاحبي. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخي وصاحبي. فقالت عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية يحدثه في العلم والدين ومصالح المسلمين أفلا نحب من أحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام نعم الرجل أبو بكر كما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il visitait Abu Bakr radiallahu anhu aux deux extrémités du jour. Il aimait sa compagnie. Et il disait de lui, c'est mon frère et mon compagnon. Aïcha radiallahu anha a dit, je ne me rappelle pas que mes parents aient pratiqué une autre religion que l'islam. Et il n'y avait pas un jour sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous rende visite, matin et après-midi. Il apprenait à mon père la science, la religion et tout ce qui était bénéfique aux musulmans. Comment après cela nous ne pouvons pas aimer Abu Bakr radiallahu anhu? Comment après cela nous ne pouvons pas aimer Abu Bakr radiallahu anhu wa ardah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait de lui, quel homme honorable qu'est Abu Bakr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yarafu bihi wa yashfaqu alayhi lamma ra'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hammahu fil ghar قال له لا تحزن La tahzan inna Allah ma'ana. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était compatissant avec son compagnon Abu Bakr. Et doux avec lui. Et quand il a vu son visage et son chagrin et sa tristesse dans la grotte, il lui a dit: ne t'afflige pas. Allah tabaraka wa ta'ala est avec nous. تزوج رسولنا صلى الله عليه وسلم ابنته وكانت أحب النساء إليه توفي في حجرها وحجرتها وكانت مباركة على هذه الأمة شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيين إبراهيم وعيسى في لينه في جانب الله تبارك وتعالى كما رواه مسلم. Prophète صلى الله عليه وسلم est ce qui prouve l'importance d'Abu Bakr. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, se maria avec sa fille, avec Aïcha radiallahu anha, qui était son épouse préférée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est éteint sur ses genoux, sur les genoux de notre mère Aïcha, la fille d'Abu Bakr, et dans sa chambre. Et Aïcha radiallahu anha était une femme bénite et la fille du véridique de cette communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler Abu Bakr radiallahu anhu dans son attachement à Allah Azza wa Jal, il a fait ressembler à Ibrahim et Isa. Et ceci est une éloge au sujet de laquelle personne ne peut concurrencer Abu Bakr radiallahu anhu wa arda. Fawasa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi nafsihi wa malihi wa aghdaqa malahu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li nusrat al-islam hatta qala ma li ahadin indana yadun illa kafa'nah. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا كفأناه عليها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله تبارك وتعالى بها يوم القيامة كما رواه الترمذي ولذلك قال أبو بكر في الجنة بل هو أول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي كما رواه أبو داود بل ويدعى في الجنة من باب الصلاة والجهاد والصدقة والريان والصحابة رضي الله عنهم أحبوه وأجلوه يقول عمر رضي الله عنه والله واسمعوا إلى قول عمر يقول عمر رضي الله عنه يقول والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر ويقول أبو بكر سيدنا وخيرنا ويقول ابن عمر رضي الله عنه كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحد كما رواه البخاري ولمحبتهم له سمى الصحابة رضي الله عنهم أولادهم باسمه فلعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أولاد سمى أحدهم أبا بكر والآخر عمر. Abu Bakr radiallahu anhu réconfortait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa personne et avec son argent et avec ses biens. Et il donnait ses biens au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donner la victoire à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas une personne qui nous est venue en aide sans que nous l'ayons rétribué, yani ici-bas. Nous lui avons rendu son aide, sauf Abu Bakr. Il nous a aidé et Allah Azza wa Jal le rétribuera personnellement le jour de la résurrection pour son aide, comme ceci est rapporté par Tirmidhi. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Abu Bakr est au paradis. Et ce sera le premier après le prophète sallallahu alayhi wa sallam à rentrer au paradis. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: quant à toi, ya Abu Bakr, tu seras le premier à entrer au paradis parmi ma communauté. Et il sera appelé au paradis par plusieurs portes, pas par qu'une seule porte. Par la porte de la prière, par la porte du djihad, par la porte de l'aumône, et par Ar-Rayyan, la porte du jeûne. Et les compagnons radiallahu anhum l'ont aimé et l'ont glorifié. Omar radiallahu anhu disait: par Allah, une nuit d'Abu Bakr et sa journée sont mieux que Omar et toute sa famille. Et ça, c'était Omar radiallahu anhu qui disait ça. Et il disait Abu Bakr, Omar radiallahu anhu disait également: Abu Bakr est le plus noble d'entre nous et c'est le meilleur. Ibn Omar radiallahu anhu disait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam: il n'y avait pas d'équivalent à Abu Bakr, comme ceci est rapporté par le Bukhari. Et par amour pour lui, certains compagnons ont appelé leurs enfants de son nom, comme Ali radiallahu anhu qui a appelé un de ses fils Abu Bakr et l'autre Omar. هذه بعض مناقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام خير الجزاء. فاعرفوا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه وأنزلوه منزلته. Donc ceci étaient certaines caractéristiques du meilleur des hommes après les prophètes et les messagers. Abu Bakr radiallahu anhu, le calife bien guidé, le successeur de la meilleure des créatures sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah tabaraka wa ta'ala. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, yani la mort, et d'autres attendent encore, mais ils n'ont jamais varié dans leur engagement qu'ils ont pris pour Allah, envers Allah tabaraka wa ta'ala. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana inil hamdulillahi rabbil alamin. C'est toi, c'est pas moi.